Monsieur, offrez-lui le parfum Illusion, le seul arôme pour toutes vos femmes imaginaires. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M's. Sweet to the taste, bitter in the gut. to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She'll become a double agent if you try her patience. So let her be your James Bond. Let her be your James Bond. Just let her be your James Bond. Save the day, baby. Pourquoi ça vaut la peine de vivre au Québec? Une question que je lance comme ça, là, à gauche et à droite, et surtout à gauche. Parce que pour les gens qui aiment, un peu comme la Belgique, pour les gens qui aiment rire, il faut habiter au Québec. Le 7 mai 2004, parce que l'absurdité, là, je crois que les deux sources centrifuges se situent en Belgique et au Québec. En 2004, le 7 mai 2004, fait que là, c'est assez précis, là. Je dis pas n'importe quoi. Allez prendre vos références, là. La Cour suprême. Hey, c'est pas deux petits counes, là, deux petits individus dans un bar qui discutent de n'importe quoi, parce que n'importe quoi, ça n'existe pas, mais qui discutent de choses et d'autres. Là. On parle de personnes qui ont des formations universitaires avancées et qui ne sont pas au stade avancé là, de beuverie, là. Ils se sont penchés. Et ils ont resté penchés pendant combien de temps, Mme Tremblay? 2 semaines et 3/4? Ah, ils étaient courbés, là. On a fait appel à des ramancheurs. Bon, certains diront que c'est des hurluberlus, mais si t'es là, en Cour suprême, t'as pas 20 ans. T'as peut-être 4 fois 20 ans ou 3 fois 20 ans, mais t'as plus vraiment l'âge du bourgeonnement, là. Tu commences tranquillement à sentir l'automne arriver, là. Parce que c'est assez poétique. J'espère qu'on m'amènera pas en cours pour ce genre de discussion d'allusions rigolotes. Alors, imaginez-vous que le 7 mai 2004, la Cour suprême du Canada a décidé de maintenir ouvert le débat sur la couleur de la margarine. On ne savait plus quoi faire à un moment donné. T'sais, en 2004, là, il ne se passait rien. C'était le calme plat dans les médias. Quand, tout à coup, à la radio, on s'est dit, pas notre radio, parce que c'est KRL, hey, la couleur de la margarine, on est loin. Là. Nous on s'intéresse aux artistes, à la musique, à la culture. Mais la couleur de la margarine... Jacqueline, voyons. Tu fais une folle de toi encore, là? Bon. Tranquille. Alors, imaginez-vous, le plus haut tribunal du pays a accepté d'entendre l'appel formulé par les multinationales, on les nommera pas, qui contestent un règlement québécois interdisant que la margarine prenne la couleur du beurre, soit le jaune. Ah ben toi, Rita, tes dents sont plus dans la version beurre que margarine, hein? On dit dans son cas, c'est une grosse fumeuse. On parle pas de ton poids, là. On parle de la rapidité à laquelle tu allumes la cigarette et que surtout que tu les enchaînes. T'enchaînes pas mal. Tu veux te rappeler ton mari qui est en prison pour 25 ans? C'est sûr, il est devenu fou. Il voyait plus rien. Quand il voulait t'embrasser, il savait même pas où tu te trouvais. Il avait une boucane dense. Ce qu'il aurait voulu, lui, étant plus jeune, c'est d'être pompier. Il t'aurait éteint ça, lui. Pauvre gars. Voyons, Rita. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle évoque souvent, c'est le stress, tellement stressé, hein, vous savez, aujourd'hui, hein, c'est plus que c'était, puis l'énervement, hein, on se réveille tôt, puis déjà, il y a un... Quand ton téléphone sonne, quand ton cadran sonne, ça fait pas à grelin, ça fait... Là, t'as les yeux ronds, puis t'as même pas pris de café, imagine. Tu trembles là, tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les lois des mesures de guerre encore. Mais non, c'est la Cour suprême là qui se penche sur la couleur de la margarine. Ben voyons! C'est une blague! Ça va nous coûter cher! Juste pour nous dire quelle couleur on doit ouvrir, hein, à quelle couleur on va apercevoir la margarine. Produit que je n'utilise jamais. Je ne prends jamais de margarine. Il y a une publicité au Québec qui disait « Du beurre, c'est du beurre » et c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ça, la margarine? C'est comme de la viande, là. Hein? George Orwell là, doit rigoler. On est rendu dans un courant, dans une vague d'une débilité extrême. J'ai mangé un hamburger, là. C'est de la viande végétale. Mais en fait, c'est pas de la viande. Ça ressemble à la viande, ça sent la viande, ça goûte la viande, mais c'est pas de la viande. Hey, moi, si je veux manger un burger, je vais en prendre de la viande dedans. Si j'en veux pas de burger, je vais me prendre un pain burger et je vais me placer de la salade. Après, des concombres, des cornichons. Tu sais, je me montais ça, mais sans viande. Alors, végétarien. J'ai rien contre. Mais mettre une boulette qui ressemble à la viande, qui a la couleur de la viande, qui sent la viande, qui goûte la viande, mais qui n'est pas de la viande. 20 ans plus tard, hein, je suis rendu avec un sixième front. Est-ce que c'est normal? Je crois que... Comment il s'appelle? Non, pas Einstein. Lui, Einstein, quel homme extraordinaire, je l'adore. Pas Einstein, Frankenstein. Mais j'étais dans le Stein, là. Est-ce qu'on peut me laisser le Stein que je veux? Frankenstein. Avec 3 fronts. Faut-tu avoir du front pour avoir 3 fronts? Mais là, maintenant, on s'est rendu compte que quand tu fais ton burger... Avec, on appelle ça simili-viande, avec une viande qui n'est pas de la viande, avec quelque chose, pas une viande, avec quelque chose qui n'est pas de la viande, qui ressemble à de la viande, qui goûte la viande, qui sent la viande, qui n'est pas de la viande. Ben, 25 ans plus tard, tu vas avoir des fronts qui vont se rajouter. Parce que pour manger ça dans ton burger, il faut avoir du front. Fait qu'on va t'en mettre du front, mon champion. Comment de couche t'en veux? Combien de millimètres on va te raboter ça après? Quand on va faire l'autopsie, ça va être compliqué en Saint, s'il vous plaît, d'Amérique du Nord britannique. Le pauvre médecin qui va essayer de contempler ou de vérifier ou d'examiner ou d'essayer de savoir, de voir, de comprendre ce qui s'est passé pour votre mort, ça risque d'être compliqué. Plus c'est long, plus la facture sera lourde. La morale, si vous voulez manger des burgers traditionnels, mettez donc une boulette. Une petite boulette de viande, la plus juteuse possible. Après, là, tu peux en mettre de la salade, mets-en des oignons, mets ce que tu veux, mais mets de la viande. Et moi, j'ai fréquenté une fille pendant 3 ans. Vous savez, le genre, j'adore ça, là. Hey, moi, je la regardais, elle me calmait. Moi, qui est comme un bouillon, hein, je suis un volcan, moi. Ah, mais, en ébullition constamment. Je dors en ébullition, je me réveille en pleine nuit en ébullition, je me rendors en ébullition, je suis tout le temps des rêves et des cauchemars. Quand je rêve à vous, c'est merveilleux, là. Je suis sur un nuage. Et bien sûr, je suis couché sur ma carte de CKRL, je vole sur les ondes, j'écoute mes amis. Ah, le le dimanche, les routes enchantées. J'écoute aussi mon ami Bonaparte le dimanche. Je vogue. La semaine, le retour à la maison. C'est merveilleux, dit Sikaela, avec son rire contagieux. Elle a développé son rire. Au même titre que Suzanne Lapointe avait son rire. Ça n'a rien à voir, là. Tu mets Jessica puis Suzanne, là, c'est des rires différents, mais qui me font rire, moi. Parce que le rire, avez-vous remarqué, le rire de Jessica, c'est comme un rire timide. C'est pas un rire, là. c'est un rire retenu, mais tellement rigolo quand tes tympans captent cette sonorité-là. Moi, ça doit être vraiment dans mon diapason. Tu sais, mon tympan est peut-être fait pour le rire de Jessica et de Suzanne aussi. Hey, Suzanne, les rires de Suzanne. Je m'ennuie de Suzanne. Mais ne vous en faites pas. L'ennui n'existe plus en 2019. Ça n'existe plus. Tu veux entendre Suzanne Lapointe? Internet. Ben, Suzanne Lapointe, tu vas le voir avec, tu vas la voir avec Gilles Latulippe. Les démons de midi. Tu vas trouver ça rigolo avec son rire. Le rire de Jacques Languérin. Vous allez écouter des vieilles émissions par quatre chemins qui m'ont. J'ai écouté ça dans ma vie. J'ai écouté ça, moi, là. Je devais avoir, parce que c'est la plus vieille émission de radio francophone au monde. Au même titre que CKRL est la plus vieille radio communautaire francophone au monde. Il y a quelque chose qui se passe là. Languérin, CKRL. Puis même, on a des photos. Quand vous allez passer pendant le Radioton, allez voir ça. On va les afficher sans doute. On fait ça chaque année. Vous allez voir une photo de M. Languérin dans les studios de CKRL. Les génies s'attirent. Einstein, on peut pas en parler de Frank Einstein, Einstein a passé à un fil de passer d'être à CKRL. Un fil! Le seul problème, c'est que la radio n'existait pas encore. Mais il se préparait, lui-là. Il préparait sa valise parce qu'il y avait déjà, il était un peu comme Nostradamus, lui. Il voyait des affaires que personne ne voyait. Ça m'arrive, moi aussi. Surtout le samedi. Je vois des choses qui n'existent pas. J'entends des voix de l'au-delà. Il y a des spectres. Tu sais, tu vois juste un flash. C'est rien de précis, mais ouais, tu te retournes. Personne. Ma vie est ainsi faite depuis le début. Puis toutes ces auras. Zora. C'est pas Zora, c'est Aura, mais c'est la liaison. Toutes les auras me suivent depuis mon enfance. Partout. Je débouche une bouteille de bière. Le bruit classique avec le petit fumet. Et au-dessus du fumet, il y a quelque chose qui apparaît. J'ai même pas bu une goutte encore que j'hallucine. C'est merveilleux! Puis là, en 2004, j'ai halluciné le 7 mai. Faut-tu être rendu au bout du coton-tige pour légiférer sur de la couleur? Je sais pas si on fait ça en France. Alors là, on légifère sur notre couleur, nos trois couleurs bleu, blanc, rouge. Ils sont dans un bar avec une bonne quinzaine de penseurs. Mais ça pense mieux dans un bar parce que il n'y a pas de sécheresse buccale, il n'y a pas de sécheresse intellectuelle, il n'y a pas de sécheresse cérébrale. Tu sais, c'est tout est noyé dans un tourbillon juteux que l'on appelle. Est-ce que tu veux, là? Ça dépend ce que tu veux boire. Veux-tu avoir une consommation, ma chérie? Un verre de lait? On peut essayer ça. Avez-vous du lait, madame? Ben non, on est dans une... c'est pour réfléchir sur la couleur. On n'a pas de lait. Ben, il y a moins, là, mais je sais que je suis pas très beau. On peut dire que... je suis lait. Ah oui. Mais pas lait L-A-I-D. Mais pas L-A-I-T. Il a fallu que je réfléchisse. C'est laid, c'est très laid quand je réfléchis, moi. Parce qu'il y a un arrêt. Il y a aussi une projection, parce que je projette le mot pour essayer de voir. Tu sais, c'est comme un tableau, mais dans ma tête. C'est vrai, ça, là. Tableau dans ma tête. Et quand le tableau n'est pas lumineux, ouais, rien. Ouais, rien. Si je paye pas mon compte, ouais, rien. Si personne pense à moi et qu'il ne paye pas mon compte en mon nom, ouais, rien. Puis moi, je dis, là, approchez-vous de votre radio parce qu'on peut pas dire ça trop fort. Je dis qu'il y a un complot. Il n'y a pas grand monde qui paye pour qu'au bout du compte, je puisse voir quelque chose. Parce que quand je vois, souvent, je réagis! Puis on veut pas de réaction. On veut que tu sois un mouton. Calme-toi, fais-toi-en pas. Ça va changer. Ça changera pas peut-être, là. Mais ça va couler de source. Fais pas un plat avec ça. Ben, 2004, 7 mai! C'est une firme anglo-néerlandaise. Trouve que... une couleur, là, tu sais, quand tu ouvres ta margarine, ton plat de margarine, là, c'est blanc. Parce qu'avant, c'était blanc. C'est blanc. Puis blanc, c'est pas accrocheur, le blanc. Hey, c'est-tu raciste de dire que le blanc, c'est pas accrocheur? C'est aussi raciste que dire que le noir, c'est pas accrocheur, ou le jaune, c'est pas accrocheur. Qu'est-ce qui est accrocheur? Ça dit rien à personne de la margarine. Fait que, mais ça, moi, je l'aurais mis transparent. Tu vends un produit transparent dans un bol transparent. Tu arrives à la caisse, il n'y a pas de code-barre, il n'y a rien, c'est gratuit. Tu mets ça dans. Tu sais, tu essaies de trouver ton achat. Et comme c'est transparent, là, ta poêle est sur le rond, là. Ça chauffe, là. Tu cherches de la matière graisseuse, sinon ça va coller, ça commence déjà à sentir la boucane, là. C'est épouvantable. Tu peux projeter que les pompiers vont arriver chez vous. Tu dis, voyons donc, qu'est-ce que je fais? Où je l'ai mis ma margarine? Tout est translucide. Il y a une panique. Puis comme t'es paniqué, t'arrives pas à la réflexion première et facile d'enlever la poêle sur le rond. Ou fermer le rond, ou mettre ton rond ailleurs, ou placer la poêle chaude en plein visage. Comme ça, tu vas te dévisager, puis tu vas mettre du beurre pour que ça devienne un peu plus moins séché, puis plus... C'est drôle, le Québec. غابت امو وبقى وحده مسكين ما بقاش شكون يلمو عباليه الحنين ما بقاش شكون يلمو عباليه الحنين يا أمي تعبت قد في هاد الدنيا وحدي متمرمم كي غبت عليا يا أمي تعبت قد في هاد الدنيا وحدي متمرمم يا العزيز عليا يا غيرك تباصر يا العزيز عليا يا غيرك تباصر يا وين عبت أم وبقى وحده بسكين شكوني لمه عبره الحنين أبقى شكوني لمه عبره الحنين كل حق المكتوب يا وليدي حبيبي أجلي جا مطلوب من واحد ربي كل حق المكتوب يا وليدي حبيبي أجلي جا مطلوب من واحد ربي أجلي من الله مطلوب من واحد ربي أجلي من الله مطلوب من واحد ربي ربي يا قديم رحم هالمسكين بجاه البشير ياك محمد نبينا ربي يا قديم أرحم هالمسكينة بجاه البشير ياك محمد نبينا في جنة الخير أرقد هالمسكينة في جنة الخير يترقد هالمسكينة في جنة الخير أرقد هالمسكينة في جنة الخير يترقد هالمسكينة يترقد هالمسكينة يترقد هالمسكينة يترقد transmettre tes valeurs. Puis après, c'est bien de valeur. Si l'enfant ne suit pas ton chemin, mais au moins, il saura ton point de vue. Puis il n'est pas obligé de suivre ton chemin. Il n'est surtout pas obligé, et j'espère qu'il ne suivra pas ton chemin, parce que ça va faire quoi? Soit un clone de toi-même, soit un imitateur de toi-même, ou soit, pour ne pas te déplaire, quelqu'un qui te surprendra jamais, puisqu'il voudra toujours être dans la même lignée que toi tu lui as indiqué. Alors, il ne pourra jamais être lui. Il ne pourra jamais se former. Il ne pourra jamais. Non, tu dis écoute bien. Moi, c'est un plancher. Bon, ça peut être en bois flottant, en prêt-là, mais là, le prêt-là, c'est plus à moi. Mais ça va revenir. Tout ce qui était désuet revient. Tu sais, c'est la vieille, le cycle. Et on nous fait suer, là, avec la mode. Jette pas ton linge dans 10 ans, tu vas le remettre, tu vas être bien heureux, être le style capitaine. Mais, oh, mon Dieu. Moi, quand je travaillais avant de pas travailler. Je travaillais chez Popeye. Pas peur, le vrai marin. On faisait des burgers en parlant de burgers, mais là, c'était des vrais burgers, là. Il y avait le pistache. On vendait ça 59 cents. Après, ouais, mais là, c'est sûr, c'est comme toutes les... Tu sais, il y a des bornés, là, qui ramènent le temps passé sans dire la vérité sur le présent. C'est-à-dire que, ouais, 59 cents. Aujourd'hui, comme le salaire minimum était à 4 piastres, bon, 59 cents, 4, 8, 12, ça veut dire 6, 12, 18, 1,80. Encore là, le burger est trop cher au Québec actuellement. Parce qu'il devait... Pour un prix juste et équitable, 1,80$ pour un burger. Comme à l'époque, quand je travaillais chez Popeye. Ça, le pistache, c'était le petit bébé burger. Le petit bébé, là, on le garochait quand même dans un pain. Puis on l'étouffait dans un autre pain. Puis on mettait ça dans un petit sac ciré. Puis on donnait ça aux clients. On disait merci, bye, à la prochaine. Après ça, il y avait l'olive. Olive. Ça, c'est la. Ça n'a jamais été la femme de Popeye, ça. Selon moi, là, Olive, là, c'est la fille qui trouvait Popeye séduisant, mais qui était pris entre Brutus et Glouton. Alors, Glouton s'en foutait un peu, mais c'est Brutus. Tu sais, le Brutus, là. Mais Popeye. Fait que Olive, c'était un hamburger, mais avec un pain où on avait placé des grains de sésame sur le pain. C'est la même boulette, un peu plus généreuse, de quelques oh, pas grand-chose, là, mais un petit mouton de plus, admettons. Une bouchée. Mais là, une bouchée de fille, tu sais, ça mange sur le bout des lèvres, je veux pas engraisser, hein? Ça mange, je veux pas engraisser. Ouais, mais arrête de dire ça, puis tu le dis, puis t'engraisses. C'est psychologique. Quand c'est psychologique, là, c'est pire que la, que si c'est médicalement vérifié par des grands réflecteurs de notre société contemporaine. Tu sais, les réflecteurs, eux autres, là, sont bien concentrés, puis ça fait chauffer des feuilles, ça fait même brûler des bibliothèques à force de réfléchir. Il y en a beaucoup de même, hein? Ils sont là dans les bibliothèques. Que c'est un volcan, là. Hein? Tu veux pas leur parler? Ils sont comme Jack Nicholson dans Shining. Les yeux un peu en amande, là. La bouche un peu crispée, là. Là, ils sont en train de lire. Quand il lit, il lève son livre, tu te rends compte. Voyons donc. Pas possible. Il est dans des situations aussi bizarres en lisant le Marquis de Sade. C'est un pervers. Là, t'appelles les chaînes de télévision, tu sais, qui font c'est des canaux spécialisés dans les crimes et trucs policiers. Tu dis, hey, je pense que j'ai un futur tueur en série ici, là. Non, je suis pas en état de... Non. J'étais à jeun. J'ai mangé 3 patates frites. 2 burgers végétariens. J'ai été malade. Hey, ça, puis quand tu tires la chasse d'eau, ça, c'est du plastique. J'ai mangé du plastique. Je me sens pas bien à cause de ça. C'était pas au point, hein? C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait vraiment, c'est là, c'était pas. Oh! Quand j'entends bouger dans mon ventre, j'aime retrouver ma belle toilette. Mon cabinet d'aisance, ma cuvette levée, j'adore mon cabinet d'aisance. Je ne vois pas la porte. Let's La chute qui s'élance. La chute qui s'élance. C'est bizarre. Une chute, c'est en bas. Quand tu t'élances, c'est vers en haut. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes ou tu descends? Ça ressemble étrangement à une chanson de... Là, tu fais 5 ans, 10 ans. Ça risque d'être long à coup de 5 ans. Va plus rapidement dans ta conception puis narrative. Les gens vont connaître la fin. C'est ça qu'on veut savoir, la fin. Là, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Là, c'est d'improvisation. OK, on y va. Stop! Oh. Encore! À 40 ans. La crise de la quarantaine. Une autre connerie sociétale. J'en ai pas eu, moi. Moi, j'ai eu aucun trouble dans ma vie. Moi, j'ai eu aucun trouble dans ma vie. Horaires de bonheur à revendre. puis en parlant de pute, moi, j'ai travaillé 28 ans entouré de prostituées. Bon, là, vous voulez que j'en dise davantage. C'est un peu louche, hein? Non, mais je travaillais juste à côté de CKRL. Dans un établissement qui ouvrait la nuit. Donc, tous les chats sont gris. Il y a des junkies, des prostituées, des malfrats, des gens troublés, des gens qui n'arrivent pas à dormir, des travailleurs de nuit. Toute cette faune exceptionnelle. Deux, je m'ennuie. Puisque là, je me retrouve à travailler de soir dans une entreprise, dans un milieu, dans un quartier de droite. Et cette rencontre avec le peuple underground me manque un peu. Qui dit que je ne nie pas que je n'irai plus à votre rencontre. Voilà. Mais c'est pour ça que moi, la prostitution, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Non pas parce que je suis un fervent consommateur. Au contraire, je n'ai jamais fait appel à ces dames. Pour plusieurs raisons que je nommerai pas ici. Mais que j'allais presque... Non, j'allais débuter, là. Pourquoi Reynald Gagné se refuse? Pour le respect de ses filles. Ben là, vous me dites, ouais, ben écoute, ils sont prostituées, si tu les respectes, ils font pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, ils en font sans moi. Parce que j'ai, dans ce respect-là, j'ai une éthique. Pas beaucoup d'éthique, moi, dans la vie. Là. J'ai une éthique assez mince. Mince, mais très, très solide. Deux, trois petites affaires que je ferai jamais. Ça, c'est certain. Même! Puis là, ben, on dit, j'ai perdu la tête. Bon, tu sais, le terme, j'ai perdu la tête. Là, les gens qui sont en cours. Monsieur le juge, j'ai perdu la tête. Non, il me suis penché pour la reprendre, mais c'était pas la mienne. Il a mis n'importe quelle tête et c'était la tête d'un tueur en série. Mais moi, c'est pas un tueur en série, moi, monsieur le juge, moi. Non. Moi, ben non. Moi, je travaille dans une compagnie de cornichons. Des cornichons. Voyons donc. Là, vous allez me dire que mon enfant s'est dû à mon problème de prononciation. C'est comme ça que j'ai été mal compris par la société. Et j'ai développé une haine vis-à-vis les gens qui me côtoient. Il n'en est rien, monsieur Zeus. Est-ce que c'est sous-titré? Avez-vous pensé à sous-titrer, monsieur? Comprenez-vous ce qu'il vient de dire, là? Travailler dans une compagnie de cornichons. Ça n'en est pas un. Il a perdu la tête. OK. Ah non, je me fâche pas après vous, mais vous avez l'air à vous frotter vous-même la tête. Est-ce que vous frottez le cornichon ou la tête? Ah non, mais je vais m'expliquer parce qu'on ne veut pas aller en prison. Oui, mais je pense bien qu'elle explique pas trop, tu vas y aller quand même. Ah hey, non, pas moi qui a tué. Il a perdu la... Laissez-moi parler. Ben oui, on vous laisse la place. Mais non, respirez par le museau. Ah non, mais c'est pas ma tête. OK. Alors, vous avez jamais trouvé votre tête? Ah non. J'ai perdu pour trouver. Parce que j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes. C'était dans un parc. Un parc. Un parc là, où il y a des chiens, des chats, des enfants, des parents, du monde amoureux. Il y a plein de monde. C'était un parc, hein? N'importe quel parc, dans le parc. Puis, à ce moment-là, je sais pas comment ça, j'ai perdu la tête. OK. Là, je me suis penché. Oh, si on le sait, l'histoire, là, vous avez pris une tête, mais c'était pas la vôtre. Exactement, vous avez tout compris. Hey, pouvez-vous me représenter? Non, moi, écoute, moi, je suis un gars de radio. Je suis un professionnel. Là. Ça fait quand même 14-15 ans que je fais ça. Penses-tu que je vais perdre mon nom, moi, là, devant un gars comme toi? Là? Hey, qu'est-ce que c'est, moi? Mais là, vous savez absolument rien, là. Vous êtes un innocent. Ah, c'est un innocent, moi. J'ai pas voulu, non, mais innocent dans le sens que je suis pas coupable. OK, oui, ben oui. Mais là, vous êtes un innocent. Vous êtes pas un imbécile. Ouais. dans mon milieu de travail, là, quand, parce que moi, je travaille des cornichons. Je sais, vous l'avez dit. Avez-vous un problème de mémoire? Pas de problème, moi. Aucun problème. Mais si tu penches, il n'a pas sur la tête, OK? Je vais prendre ma tête, c'est pas celle-là. J'ai pris la tête d'un cric. C'est en revenant de Rigaud. J'ai rencontré. Il y avait 5-6 têtes, moi, là. Puis, il y avait des couleurs de cheveux qui me plaisaient pas. C'était pas comme moi. Moi, j'ai un cheveu frisé ridicule. Et avant, là, je me promenais. Avant que je perde la tête, que j'en mette une autre qui n'était pas moi. Je me promenais dans la rue, puis les gens me pointaient du doigt en riant. Sans doute qu'ils me prenaient pour Robert Charlebois. Tu sais, j'ai la tête frisée. Voilà. Mais en plus, tu sais, je suis un bon vivant. Je suis rigolo. Puis, quand je me promène, je ris tout le temps. Avant, là. Aujourd'hui, c'est la même. C'est pas ma même. C'est pas mon visage. Fait que je riais. Les gens disaient, hey, si tu Robert Charlebois, le Père Noël, c'est en revenant de l'ido. Bon, j'ai perdu la tête. Alors donc, j'ai voulu la reprendre. Puis là, tu sais, il y a plein de têtes. J'avais le choix, je vous l'ai dit, là. Et puis, j'ai pris celle qui était le plus près de moi. Sans savoir. Sans savoir, monsieur, sans savoir que c'est tout. Non, ça va bien. C'est la meilleure émission que j'ai jamais faite. C'est la meilleure émission que j'ai pas faite. Mais, en mettant sa tête-là, elle était pas de la même. Moi, j'ai le cou trois mentons. Ouais. Avec des fleurs de. Oui, ben moi, c'est Vive le Québec libre. Là. Moi, je suis un fédéral. Non, je suis les fédérales, je suis loin. Là, non, c'est parce que j'ai perdu la tête encore, là. Je perds souvent la tête, et puis j'ai pris une autre tête qui n'est pas la mienne. C'est un séparatiste. Ça va tout les ouais. Oui, pardon. C'est en venant de l'autre. Mais ma tête, je ne l'ai jamais retrouvée. Il y avait celle-là. Qui me semblait, parce que je l'avais vu de dos, moi, là. Je voyais juste la touffe. Je dis, c'est pas mal, tu sais. Moi, là, mes histoires amoureuses, en général, là, c'est la touffe qui me fait choisir. Fait que j'ai dit, c'est une touffe pas pire, pas si mal. Pas pire, ça existe. Elle n'est pas si mal, elle m'ira peut-être, donc je me colle ça. Et j'ai pris l'allure d'un tueur en série. Comme Gainsbourg avec la matette de chou. Là. Lui, c'était le chou. Moi, c'était un criminel. Puis là, c'est pas un criminel de jour. Là. On m'a dit, non, ça, c'est un criminel de soir. Voyons donc, de soir, mais est-ce que c'est notoire ou de soir? Non, notoire et de soir. Il était de tous les jours, lui, là. Il arrêtait pas. Il regardait quelqu'un. La personne... C'était de la magie, il n'existait plus. À moi, non. Non, il n'y avait pas de mort. Elle s'est caboussée. Il y avait juste un petit halo, encore le halo. Allô, ça va bien, madame? Oui. Il y avait un genre d'halo de poussière, puis plus rien. Comme si on avait fait disparaître la personne. Mais là, quand j'ai branché cette tête-là, j'ai su que j'étais en communion avec les extraterrestres. C'est eux autres, quand je les regarde, pouf, ils s'en vont dans l'OVNI qui est au-dessus de moi, qu'on peut pas voir parce qu'ils sont toujours en haut des nuages. Là, les gens vont me dire, ouais, mais quand c'est pas nuageux? Ah! Ils sont plus hauts que le ciel. Ils sont plus hauts que l'arc-en-ciel. Puis ils attendent juste que je regarde. Pour prendre la pouffée, tu sais, c'est comme, j'allais dire une cigarette, quand tu prends une, tu sais, il y a de la fumée. Moi, quand je regardais quelqu'un, partait en fumée, puis c'est en haut qu'il reprenait la fumée pour reformer la personne. Hey. C'est pas fou, hein? Monsieur, je tiens à vous dire sincèrement, là, c'est peut-être pas fou, mais c'est malade, très malade. Vous souffrez, là. Vous êtes... Hey! Voyons donc, j'ai jamais souffert de ma vie, moi. La seule souffrance que j'ai eue, c'est quand je suis allé chez le coiffeur, un expérimenté, tu sais, que j'ai demandé la coupe, comment il s'appelle, non? Van Gogh! OK. Il m'a coupé l'oreille! Ben voyons donc. Et là, je me suis mentionné à ce moment-là, quand j'ai perdu l'oreille, heureusement que j'ai des enfants. Heureusement que j'ai des bébés qui, eux, vont pouvoir parler de moi. Uniquement. Puis là, je vais leur dire, parlez pas de moi, là, après. Hein? Parlez de moi avant. Donc, dans une vie, ceux qui nous sauvent, bien, c'est les bébés. Quand vous en croisez un dans le désert, il trouve encore moyen de détourner les yeux, car son frère lui fait peur. Il a en pleurant dans les bras du premier colonel Papavini, qui lui jure la guerre, qui lui promet torture et prison. Oh, yeah. Celui qui a fait à son rejeton, oh, oh, l'affront d'un regard, l'affront d'un regard d'amour, yeah. Oh, oh, and it did wrong, fair land it ran it all. Thank you. trembler les murs de Babylone. Comment veux-tu que l'espoir capitule la porte et qu'on retourne après ça jeter en pâture aux chacals et aux requins? J'étais en pâture au chacun et au requin. Ah ah ah ah. Ce hurlant de vie, ce cri de rage. Oh, alertez les bébés. Alertez les bébés. Aujourd'hui, le lundi 7 octobre 2019, l'errance

C'est ça, exactement. Salut! Merci. Salut, c'est Donald. Salut! Rénal Gagné. Salut, Rénal Thurien. Ça revient toi. Excuse-moi pour les mains, j'ai de la monnaie, j'ai des micros, oh, j'ai, oh, bah, c'est j'ai super micro. Taxi, là. Exactement, ben sinon je serais arrivé en retard, donc comme je ne voulais pas. Charlie, tu peux salut mon ami, comment ça va être un peu là? On a échangé par oui, trailer. ben oui, sur Facebook, ben oui. Nicolas, Thibault qui est là. Enchanté. Tatiana là-bas. Allons-y, non, enchanté. Salut. Salut. Excellent. Et tout le monde attend un peu que ça ouvre, là. Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est pas ouvert? Bah apparemment. Ben voyons. Parle plus fort car on pourrait bien. C'est en euro. Non, on est arrivé à Québec, oui. Non, hier. Non, mais de l'avion de Paris à ici. Ah non, on est là depuis 6 jours, 7 jours. Ah, 6 jours, ah, ok. Oui, on est pour jouer, on joue à Montréal. Ouais. Ah, ben c'est pas indiqué sur mon site, c'est ça. Ah, ben. Okay. Ben c'est pas important parce que normalement c'est les Français qui vont visiter ici. C'est pas. Ah bon? Ben. Pourquoi les Français, toi, t'as pu y aller, toi? Oui, ben parce que moi je suis curieux. C'est bizarre ça, t'es sûr? Ben non, mais tout le monde. Peut-être parce que la date est passée, non? Ah, peut-être, mais là t'as fait Olympia au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est pas mal, Olympia? C'est quand même, hein? Mais l'année dernière, on devait s'en conduire parce que, comme moi, je m'en vais demain à Paris. Ben, c'est ici, mais il y a deux portes d'entrée. Ouais, ben, on va aller par là. Ouais, c'est ouvert, hein? Ben oui, c'est ouvert, non? Oh, c'est cool. Ok. Ça va? Ça va? Oui. Ben là, je m'en vais demain à Paris. Ah bon? Ben oui, je m'en vais rencontrer des artistes à Paris. Bonjour. Salut. Nicolas, enchanté. Nicolas? Oui. Salut, Nicolas. Bah bien, impeccable. Tu veux qu'on fasse l'entretien maintenant? Bah ça serait bien, oui. Ah ici? Ah, on peut parler ici? Oui, il n'y a pas de problème. Oh non. Non, pas du tout. Ici? Où tu veux? Ok, ça non. Hey, merci de m'accueillir quand même. Bah avec plaisir, c'est gentil. Non, mais surtout, tu es en tournée. Une petite tournée québécoise. Ouais, c'est ça, ouais. On va jouer à Tadoussac aussi. Ben oui, demain. Après-demain. Après-demain, ouais. Là, demain, c'est dans... Péribonka, demain, Lac Saint-Jean. Ben oui! Pourquoi? Ben pourquoi pas? Ben pourquoi pas, ouais, c'est vrai, ah, c'est vrai. Vrai. Ben oui, le public est partout, hein. Ben ouais, y a pas de raison. J'ai regardé ta carrière, puis c'était... T'étais en train d'enregistrer, là? Ben oui. Ah, ok. J'ai regardé ta carrière, et t'as commencé dans un groupe anglais, comme guitariste. Non, j'ai pas commencé avec eux. Mais en tout cas, t'as... J'ai joué avec eux, ouais, pendant 2-3 ans, ouais, mais c'était pas le début de ma carrière. Okay. J'avais déjà 26-27 ans là, quand j'ai joué avec eux. Je jouais déjà depuis l'âge de 15 ans. Quoi. Mais pourquoi un groupe anglais? Qu'est-ce qui s'est passé? T'avais des amis en commun avec... Oui, c'était une rencontre. Ouais, les musiciens, ils voyagent beaucoup, hein, donc j'ai rencontré le contrebassiste de ce groupe, Sound of the Desert, à Paris dans les années 90, et puis on est resté en contact, et un jour ils ont eu besoin d'un guitariste, ils m'ont appelé. Puis... Parce qu'ils t'avaient vu sur scène, ils t'avaient vu dans... On avait joué ensemble dans les bistrots. Ok. Mais tranquillement, à quel moment tu as commencé à t'intéresser à écrire des chansons? À l'adolescence. Ok. Ouais. C'était un journal, c'était... Non, des chansons. Ah oui, là, tu étais vraiment prêt pour... Ouais. Okay. Enfin, prêt, non. J'étais intéressé, c'était pas une passion, mais disons que c'est un truc que j'aimais bien faire, et puis... Je trouvais ça agréable à faire, et puis, mais par contre, je ne les jouais pas en concert, je les jouais très peu, puis j'avais jamais pensé à les enregistrer. Je faisais ça pour éventuellement pour draguer ou pour chanter à 2-3 copains, voilà. Mais à quel moment ça s'est déclenché, puis que tu te... en montant sur scène, tu t'es dit « je veux faire ma carrière dans ce milieu-là, si ça m'intéresse » ou si c'est arrivé comme ça... Bah moi, c'est-à-dire que j'ai d'abord été musicien pour accompagner des groupes et jouer avec des artistes. Mmh. Et j'avais déjà, entre guillemets, si on peut dire, une carrière qui était en route dans ce domaine de musicien. On m'appelait pour enregistrer en studio, je faisais des disques avec des gens, enfin j'étais musicien professionnel et puis assez jeune quoi. Et donc bah, ma vie était un peu éventuellement, aurait pu se poursuivre comme ça, mais bon, mais j'ai toujours aimé écrire depuis l'adolescence. J'ai d'abord pensé écrire des chansons, puis j'ai envisagé de les faire chanter à d'autres gens. Et puis finalement, j'ai eu l'opportunité de faire un ou deux concerts en première partie de groupe, etc. Et puis j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Puis j'ai reçu des encouragements de proches et puis de moins proches. Et puis j'ai vaincu ma timidité pour me lancer un peu à ce poste-là sur scène, quoi. Puis après, bah, quand on y goûte... C'est une piqûre. Ouais. Ah oui. Mais je me rends compte que cet album-là que tu viens de sortir, il y a beaucoup de... Il y a un intérêt très hypnotique à l'album, c'est-à-dire que les mots sont mentionnés souvent, comme pour un peu comme dans un livre de Duras, pour hypnotiser l'auditeur, pour amener les mêmes thèmes, un peu comme le faisait Bachung. On sent le côté... comme je le dis, hypnotique. Est-ce que c'était voulu ou si... Non, j'ai pas. Non, j'ai pas particulièrement de désir de ce point de vue-là, a priori, au préalable. Peut-être que ça produit cet effet, mais je cherche pas un effet hypnotique, je cherche un effet... je cherche en effet des moyens de susciter l'intérêt. Peut-être par la curiosité de la langue aussi, mais à forcer un peu l'écoute, quoi. Moi, je cherche à forcer un peu l'écoute. Après, c'est pas pour... Oui, je pense que j'abandonne pas non plus dans mes chansons la part de la musique, quoi, qui est très importante contribue à établir un lien avec l'auditeur. Ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution des albums. On entend aussi la voix qui est plus en avant. Que les autres albums, est-ce que c'est encore là voulu ou si c'est arrivé comme ça? Non, c'est pas voulu, okay. Ça résulte d'une écriture moins littéraire qu'avant. Pourquoi? Bah parce que l'écriture littéraire dans la chanson, évidemment je considère qu'il y a toujours une dimension littéraire dans ce que j'écris aujourd'hui, ouais. Mais disons que je me suis petit à petit rapproché de l'oralité, quoi. Ce qui est un petit peu, normalement, qui à mon sens, un peu le nerf de la guerre de la chanson, c'est l'oralité. Ouais. Mais avant, j'écrivais des chansons sur des pages, et puis je prenais soin, certains soins dans l'écriture qui avait à voir peut-être avec l'écriture, mais pas beaucoup avec le chant, quoi. Et le chant, c'est quand même l'expression du présent. Et donc il faut des mots qui puissent avoir une vie dans le présent. Et je dirais pas que la voix est plus en avant par son volume sonore, elle est plus en avant par son comment elle est contaminée par le présent, quoi. Mais on sent aussi que la musique n'appuie pas, elle fait comme servir les paroles. Non, elle sert la chanson, elle sert pas les paroles. Elle ne sert pas les paroles. Est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Ah, c'est plutôt les mots qui amènent les idées. Évidemment, ça vient rejoindre des préoccupations et des obsessions que j'ai qui sont plutôt du domaine des idées que du domaine des mots. Mais les mots sont des forces d'amorce, quoi, ouais, de l'imagination. Ouais. Moi, je suis toujours considéré d'abord les mots comme des impulsions, des germes ou des mines, hein, pourquoi pas des mines. Hein. Oui, oui. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a de ça. Ouais. Petit à petit, l'oiseau, l'oiseau fait son bec. Arrive un matin, il a son bec, son bec. Et quand vient le soir, qui vient à coup sûr, il veut avoir dit quelque chose avec. A-t-il eu le temps seulement? Est-il un volcan dormant? A-t-il eu le temps seulement? Est-il un volcan dormant? Oh. Pas assez de masse, pas assez d'os. Tout contre lui, j'ai plié et je t'ai perdu en sus. Acculé que j'étais sous la marmule, sous son poids, sous sa masse, sous le sirocco de son râle, résigné devant le mal, sous le sirocco de son râle, patient. Bien que là, je dévale une pente au bord de l'eau, de rire l'écho, de cerise le goût. Sa démence, pas de goût ni de danse, suppliant que j'étais sur les rotules, sur la fin, dans l'impasse, sous le sirocco de son râle, résigné devant le mal, sous le sirocco de son râle, patient, bien que là, je dévale une pente au bord de l'eau. De rire l'écho, de cerise le goût, du sang pointe à mes lèvres. On appelle mon nom, mais non, je reste joué dehors. Tes cheveux, c'est de l'or, ou alors j'avais cru. Construction qui est passionnant et a priori je me passerai de la parole, mais puisque j'ai trouvé un sac de mots, bah je regarde ce que je peux faire avec. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que ça va. Est-ce que tu te retires pour écrire ou tu écris n'importe quand? N'importe quand. et tu trouves vraiment une phrase clé que tu veux élaborer dans ton texte, c'est ça? Tu as comme un lien clé là, qui... Oui, il y a des choses, il y a des toutes petites... des toutes petites locutions, des phrases toutes faites, mm-hmm. des locutions très, très ordinaires qui, je trouve, sont parfois très anciennes et qui regorgent de potentiels de déploiement qui sont incroyables, quoi. Par exemple, l'expression « pour un oui, pour un non », moi, ça, c'est une expression qui me plaît énormément. Je l'ai développée pour faire une chanson, quoi. Ils vont se voler dans les plumes. Voler dans les plumes, oui. Pour un oui, pour un non. Ça, c'est deux exemples de locutions mises l'une à côté de l'autre. Exactement. Ils vont se voler dans les plumes pour un oui, pour un non. Tu les places en contact ensemble pour voir que ça... Je les place en contact et puis... et donc on s'aperçoit qu'on peut se battre pour un oui, pour un non. Ça m'engage sur une réflexion portée sur la disposition au mal de l'espèce humaine. Mais si on l'écoute rapidement, on s'imagine que... c'est surréaliste, mais quand tu t'y arrêtes, quand tu lis les textes, quand tu te rends compte que le sens prend forme. Bien mais sûr. À la première écoute, c'est surréaliste. Ouais, mais c'est pourtant absolument pas du tout ma démarche. J'ai pas du tout d'approche le surréalisme comme méthode artistique ou dispositif d'artiste. C'est pas du tout mon truc. C'est pas ton cheminement. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Mais à l'écouter, on sent vraiment le côté éclaté du texte. Ouais. Mais plus tu écoutes la chanson, et plus les brides s'installent. Donc... Oui, ça finit par faire sens. Exactement, plusieurs écoutes. Ouais. On doit l'écouter plusieurs fois avant d'y arriver. Mais le sens est prédominant dans mon travail, dans ma motivation. C'est d'abord le sens. Ou l'absence de sens, mais volontaire à ce moment-là, qui dit quelque chose, une absence de sens qui dit quelque chose. Par exemple, dans Folle, Folle, Folle, c'est une chanson où les questions d'un type qui rentre chez lui, la silhouette rentre enfin sous une pluie, une folle, folle, folle, la silhouette slalome entre deux flaques de boue, la silhouette, en avisant quelqu'un, la silhouette agite la main. Il ne se passe rien d'autre que ça dans la chanson, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun sens pour autant. Non. C'est aussi une critique de la chanson, en général. Oui. C'est une mise en abîme. C'est une chanson qui se regarde peut-être... Oui, il peut y avoir ça, mais c'est aussi une position un peu entre guillemets un regard poétique dans le sens où tout est susceptible d'avoir un certain intérêt pour le regard humain. Même les choses de peu, même rien, même un mégot dans une flaque ou une bouteille en plastique qui vole au vent sur un trottoir, c'est une situation. Les cinéastes savent très bien ça, que ces images peuvent dégager des émotions. Donc, dans une chanson, on peut essayer de faire ça aussi, quoi. Est-ce qu'on peut dire que rien t'inspire? Rien m'inspire? Oui, un rien t'inspire. Ça dépend des jours aussi, peut-être, là, quand même. Je suis pas quelqu'un qui je me sens pas tellement inspiré, si on sait. Ah. Non, c'est pas tellement d'inspiration, il n'y a pas un domaine pour être inspiré puis un domaine pour vivre. C'est le même territoire. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de congé pour un créateur. C'est toujours... Il n'y a pas de vacances. Oui, c'est ça. Je suis pas différent. Je suis pas artiste. Du lundi au vendredi. Je suis plongé dans le monde, quoi. Puis bon, voilà. Mais tu t'es forgé aussi un monde, un style. Es-tu conscient de... Avec les albums, il y a un style qui... J'ai du mal à avoir un regard sur cette histoire-là, de style et de ça. Je ne saurais jamais ce que c'est que... Je sais pas réellement l'allure qu'a mon parcours, quoi. Écoutes-tu beaucoup de musique pour t'inspirer ou si tu laisses vraiment la musique te venir seule ou... Non, j'en écoute. J'en écoute, mais oui, c'est assez récent d'ailleurs que la musique m'inspire si directement. Ok. Mais disons que comme je fais des chansons, j'écoute pas beaucoup de choses francophones pour rien vous cacher. Mais je les entends, bien sûr. Par obligation de la radio, Non, mais j'achète des disques de français et même d'étrangers, j'entends en français. Je m'intéresse, mais j'ai pas beaucoup. Ça va pas en général très loin, quoi. Quoi, ça va pas très loin dans la recherche? ou ça va pas très loin dans l'écriture des chanteurs ou des chanteuses que tu écoutes? Ouais, es-tu déçu souvent de ce que tu... Assez, ouais. Qu'est-ce qui manque, tu trouves, aujourd'hui dans la musique ou dans l'écriture de la musique, de chansons? De la folie. Mm-hmm. De la folie, de l'autonomie, vraiment une vraie autonomie, un désir de ne ressembler qu'à soi. Oui, exactement. Ouais. De se forger une entité. Ou de se créer peut-être un univers. Non, mais je dirais que ce qui me manque en général, c'est... Moi, j'aime bien les langues un peu en mauvaise santé. OK. Mais le français, hein, de plus en plus, elle est en mauvaise santé. Je sais pas. Voilà. Mais il est en mauvaise santé peut-être sur la place géopolitique, mm-hmm. Diplomatique. Mm-hmm. Bien sûr, si on considère la langue des échanges commerciaux internationaux, c'est vrai que le français en recule par rapport au 19e siècle où on parlait français à cause de la Russie. Mais non, c'est pas, je ressens pas moi quotidiennement le péril, ma langue en péril. Okay. Mais par contre, j'aime bien les gens qui ont une langue à eux, quoi. Hein, leur français leur anglais, peu importe. Mais leur dialecte. Ouais, je parle pas d'invention de mots. Non. Je parle de l'organisation des mots dans leur phrase. Leur métaphore à... Pas avoir peur de dérégler un peu la langue pour qu'elle continue à être expressive dans la profusion de messages informatifs et commerciaux qu'on a. Je pense qu'on peut inventer une autre langue que la langue du commerce, quoi. En général, c'est ça que j'attends, moi. Es-tu surpris de l'accueil que tu vois à chaque concert, surtout au Québec? Es-tu surpris de la réaction des gens? Non, pas particulièrement. Okay. Non, je dirais pas que j'assiste à une réaction si différente. Qu'en Belgique ou en France. Ouais, je dirais pas ça, non. Okay. Jusqu'à présent, j'ai pas remarqué de vraie différence. En revanche, ce qui est vrai, c'est que chaque fois que je suis venu ici, c'était dans les périodes de festivals, que au Franco de Montréal, au Festival d'été de Québec, et des moments où la ville entière résonne au rythme de la musique, et donc le public est dans une frénésie et un enthousiasme. Et dans un état de recevoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, oui, ça je le ressens. Mais l'autre jour, on a joué dans une salle fermée à Montréal, là, comme là ce soir. À l'Antibar, ici. Peut-être que je changerai d'avis après le concert de ce soir. Mais non, il n'y a pas de... Non, puis j'ai pas l'intention de prendre des habitudes non plus, mais... chaque concert, en France, sur le territoire français, quand on fait 80 concerts, ils ne sont pas tous pareils. Hein. Mmh. Quand on vient à Montréal, c'est un 81e concert. Et j'ai pas remarqué jusqu'à présent de différence notable dans la réaction. Mais on ne s'en cachera pas, il y a des salles qui sont mythiques. Ici? Non, mais partout. L'Olympia de Paris, tu l'as fait au mois d'avril, c'est mythique l'Olympia de Paris. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu vis un track plus intense à l'Olympia qu'ici ce soir? Non. Toi, tu n'es pas un tracker? Si, j'ai le track, mais j'ai connu de ça dépend des périodes de la vie. Il y a des moments... C'est lié aussi à la fatigue, à l'état de la vie extérieure, de la vie personnelle. Donc il y a des moments où la vie est plus difficile et donc tout est plus difficile, y compris monter sur scène. Mais une fois qu'on y est, de toute façon, c'est un autre monde. Hein, Tout s'arrête. Tout commence. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Et sur scène, est-ce que tu essaies de créer une bulle autour de... une sorte de... Oui, c'est ça. Un univers, comme je parlais depuis le début, si tu essaies de prendre la foule comme elle est, sans trop d'attente, es-tu là pour créer une bulle ou pour réagir avec le public? Non, les deux, mais a priori, je suis plutôt là pour proposer quelque chose dans une démarche de active. Je viens pas faire un concert et on me regarde si on veut, quoi. On m'écoute si on veut, c'est pas ça l'idée, quoi. Mm-hmm. L'idée, c'est quand même de s'apporter soi-même et avec ses qualités et ses défauts, mais d'être présent pour les gens, quoi. Madame, monsieur, madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé. Dans la musique d'os des sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup, j'ai glissé. Dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout, j'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays. Me donner du pain, m'en faire don. Madame, monsieur, je suis redressé. Dans la tombe marine de Borgo, dans la rose blanche de Corfou, fin du sable sale, fin des tessons, fin de ma fin d'animal, fin de maudire les saisons. Madame, où sont nos pères, à l'abri des orages et d'un plus grand âge. Allez-y, je regarde mon corse bleu, je vous rejoindrai plus vieux. À peine un peu de bruit au cœur des astres, de m'être tenu là. Oh, mais t'as vu que là, j'ai eu ma veine. N'aurais pas vu évoluer le relief, comme a flambé mon jeu fut bref. À l'assaut des villages, l'eau même se lance, retranchant d'un coup ma visage. Allez-y, je regarde en Corse bleu, je vous rejoindrai plus vieux. À peine un peu de bruit au cœur des astres, de mer. Tenu là, oh, mais t'as vu que là, j'ai eu ma veine. Fallait la voir quand elle préparait la nuit, justement au thème dans le soir. Bien mise et moi, allez-y. Je regarde encore ce bleu, je vous rejoindrai plus vieux. À peine un peu de bruit au cœur des astres, de m'être tenu là. Oh, mais ta vie que là, j'ai eu ma veine. Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagnon. présent, ça veut pas dire hey, salut, taper dans les mains, etc. Non, ça, je suis pas trop dans ce genre-là. Mm-hmm. Tu laisses le public fonctionner comme il le sent. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que des fois tu rames plus dans des salles que d'autres ou Je rame plus. Oui, il y a des fois où plus, c'est pas grave. Il y a une fatigue ou. Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver quand il y a des malentendus sur les. Quand il y a des malentendus sur la programmation, des fois il peut y avoir des malentendus. Des fois on se retrouve devant moi, si tu m'envoies jouer dans un festival de reggae par exemple au milieu, bon ben je sais pas si ça va pas forcément prendre, j'en sais rien. Si des gens ont envie de danser sur de l'électro et que bon tu vois, il peut toujours y avoir des malentendus comme ça dans la programmation. Bon, ça, c'est jamais une catastrophe, hein. Mm-hmm. Mais oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Après, lié à notre propre fatigue et tout, bon, ben non, ça arrive pas trop. Non. Mais il y a quelque chose qui se passe aussi sur scène, tu oublies tout, les tracas, puis tu y vas, tu te lances et tu livres l'écriture que t'as créée, la musique que t'as mis ouais, au monde. Oui, ouais, ben, ça dépend des périodes de la vie encore. Parfois, tu peux avoir des tracas, les transporter sur scène, mais ne pas en faire part, mais ça te travaille les nerfs, ouais. Et ça te travaille l'émotion, ouais. Ça se transmet autrement, mm-hmm. et c'est plus une énergie négative. Hein. Ça peut être très beau aussi. Hein. Les concerts où les gens sont tracassés. Hein. C'est vrai, ouais. Rongés. Est-ce que l'album et la scène, la musique se ressemblent ou si tu essaies de proposer une explosion musicale sur scène et moins en studio? Est-ce qu'il y a la même... on sent-tu la signature de l'album ouais, sur scène? Ouais, on la sent. Ouais. Mais évidemment, c'est un peu vitaminé, quoi. Mm-hmm. Et tu pars pour l'improvisation ou si tu veux que ce soit tout est bien chronométré? Non, ou si c'est... tu peux partir en vrai? Non, on peut partir. Mais tu veux partir ou tu tiens, tu veux... Tu ah, veux non, tu non, veux moi, je me pose pas les questions en ce sens, on fait ce qu'on veut, quoi. Ouais. C'est pas que je veux partir, c'est que j'ai toujours fait ça, ça me paraît... Non, je pense que le studio, c'est... Il y a une nécessaire organisation du temps, et, ouais. Et le studio, pour moi, l'album, je suis resté un petit peu archaïque pour ça, mais même si je prends du soin aux albums et que j'essaie de les produire convenablement, mm-hmm. néanmoins, ça, pour moi, ça restera toujours une étape secondaire de oh, la musique. Okay. Ah oui? Ouais. Ok. C'est pas vraiment de présenter quelque chose au public. Toi, c'est sur scène que tu te sens mieux ou... Ah, c'est... Moi, j'ai le sentiment de présenter les choses au public quand je suis sur scène, ouais. OK. Moi, quand je joue sur scène, j'ai complètement oublié que j'ai sorti un disque. Hein. C'est pas du tout... J'ai pas ça en tête, quoi. Est-ce que tu reprends les premières chansons sur scène ou si tu... Certaines. Tu en as... Ouais, puis t'en as pas ras-le-bol souvent de reprendre des chansons puis tu dis « Ah non, celle-là, je l'ai trop chantée. On dirait que je l'ai moins... Non, je sais pas. Moins sincère quand je la chante. » Non, j'ai pas trop les chansons que j'ai pas envie de chanter, je les chante pas tout simplement. Ouais, bah ouais, mais j'ai jamais sur scène, je me suis jamais dit à celle-ci. Non, elles sont toutes importantes à mes yeux et quand je les chante, je suis toujours, je me sens toujours concerné en bien ou en mal. Ouais. Mais non, j'ai pas de problème, j'ai aucune chanson qui m'ennuie quoi. Okay. Non, je connais pas, c'est, heureusement. Sinon, quoi. Tu l'enlèves sur l'album. Ouais. Elle tiendra pas la route. Ouais, il y a des chansons que j'ai jamais chantées sur scène. Okay. Parce que, soit parce que j'ai douté de leur qualité au moment de les mettre sur l'album, et puis que quelqu'un dans mon entourage m'a dit « Oh, c'est con, elle est bien, pourquoi tu la mets pas ?» Et puis je finis par adhérer à cette parole parce que je suis un garçon émotif. Oui, sensible. Et puis quelques semaines après, je me dis « Bon, j'ai été con, j'aurais pas dû la mettre, j'aurais dû m'écouter. » Puis trop tard, elle y est, puis je la joue jamais en concert. Voilà. Ça n'empêche pas que certaines fois, je l'aime, et puis après, je l'oublie, quoi. C'est un peu comme des amis, on les oublie, puis là, mais ils sont quand même là. Non, c'est pas le même. Je dirais pas jusqu'à là. Non. Les amis, on les oublie pas comme ça. On y fait attention. Bah ouais, c'est... Si je le dis, c'est parce que je pense qu'il faut faire encore un effort. Qu'est-ce qui te fait prendre le crayon, souvent? Tu sais, je trouve qu'il y a des... Il y a des... tu vois, il y a les deux reflets de soleil par terre, là, qu'on voit, là. Oui. Là, tu vois, c'est ça. Quand je vois quand je vois une ouverture, okay, ça ressemble à ça, quoi. Quand je vois un espace où passer un fil, mm-hmm, dans, comme dans un chat de souris, mm-hmm, quand je vois qu'il y a peut-être quelque chose à trouver là, une rareté, une originalité, pas dans le sens pour être original, mais dans le sens une originale pour moi, genre, ouais, une première fois, quoi. Ouais, ouais. Mais bon, en même temps, j'aborde toujours un peu les mêmes sujets, etc. Mais bon, pourquoi pas avec une autre manière. Et puis, mais c'est ça, des fois, des brèches dans le commun. Quoi. Il y a des brèches dans le commun du visible, mais il y a aussi des brèches dans le commun de la langue. Et là, bon, ben, tout à coup, ça m'intéresse. Ça m'intéresse surtout quand je vois de la fraîcheur dans des choses très anciennes. Oui, ouais. Un œil nouveau. Moi, quand j'entends une possibilité de fraîcheur, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu sens que les albums que tu as faits, il y a une progression, il y a une autre façon de, comment dire, tu as modifié un peu la façon d'écrire, ou si tu restes avec la même structure? Ah, ben non, ça se modifie, hein. Ça se modifie. Il y a de moins en moins de mots. Volontairement, oui, volontairement. À force d'écrire, c'est sûr qu'on on a une facilité, sans doute, ou... Non, c'est pas... Non, je crois pas ça, moi. Non? Bon. OK, il n'y a pas de facilité à écrire. Bah, pas lié au nombre de fois qu'on a écrit, quoi. OK. Je crois pas. Je crois qu'il y a des gens qui écrivent un album formidable, et puis ils arrêtent, ils n'arrivent plus à écrire. Mm-hmm. Écrire peut aussi empêcher d'écrire. Ouais, le blocage. Mais, non, mais écoute... c'était quoi déjà la question là? Ben, est-ce qu'il y a une progression dans tes albums? Ah oui, il y a une progression, oui, bien sûr, qu'elle y est déjà au temps qui passe et à la nature de la nos personnalités, mmh, qui évoluent avec son temps, avec son âge, avec son corps, mmh, et qui avec des points d'intérêt qui se déplacent. Bon, j'imagine qu'il y a ça, bien sûr. Mais il y a aussi le fait d'être occupé à améliorer, d'être sur un travail qu'on essaye d'améliorer, quoi. Moi, j'essaye toujours de faire la chanson qui sera meilleure que toutes les précédentes. Donc, s'il n'y avait pas cette motivation-là, bon, ce serait triste, quoi. Et ce faisant, à la recherche de cet idéal-là, de ce mieux, ben, on varie les ingrédients un petit peu. Mm-hmm. Mais des fois, dans une recette, il suffit de mettre un tout petit peu moins de sucre et ça fait quelque chose de très différent. Eh oui. Je dirais pas que j'ai une recette. Parce que si j'avais dû établir une recette, j'aurais peut-être fait une recette un petit peu plus rentable. Mais j'ai pas de recette, mais comme j'ai des obsessions, c'est-à-dire que j'ai un peu toujours les mêmes ingrédients, et c'est les proportions de ces ingrédients qui vont être amenées à changer, quoi. Et puis la musique change aussi, parce que je m'intéresse à la musique telle qu'elle se pratique dans les générations. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui, qu'est-ce que la recherche des autres a découvert comme nouvelle forme. Enfin, tu vois, c'est intéressant. Et toi, dans ton travail, le plaisir, est-ce que c'est de se retrouver sur scène ou d'écrire, ou si c'est différent, mais il y a autant de plaisir à écrire qu'à faire un spectacle ou à... Ça dépend des périodes de la vie, c'est pareil. Il y a des tournées qui sont plus joyeuses que d'autres, il y a des tournées qui sont plus faciles ou plus difficiles, à cause, comme je disais tout à l'heure, des interférences de la vie personnelle. Mais ce que j'aime peut-être par-dessus tout, c'est faire équipage avec les musiciens en tournée, mais aussi en studio, quoi. Être ensemble, ça c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir travailler ensemble sans qu'il y ait réellement de système d'organisation hiérarchique. Ouais. Et donc on a réussi à se dégager un espace de vie qui ne répond pas aux injonctions de la rentabilité et de la hiérarchie et d'entreprise. Et ça c'est un combat qui est gagné au moins jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc ce que je préfère c'est ça, c'est le compagnonnage, l'amitié. Et puis l'aventure, quoi. Est-ce que tu rappelles à chaque fois les mêmes musiciens ou tu veux t'entourer à chaque nouvel album, à chaque spectacle de nouveaux... Non, mais j'aime bien rencontrer de nouveaux musiciens, mais j'ai aussi je serais plutôt quelqu'un de fidèle de ce point de vue-là. Tout je suis. Je vois tout, j'entends tout. Les parents, leurs yeux flous, je sens leur parfum, je vois tout, j'entends tout. Tout le ciel qui s'assombrit, je vois le parapluie, je vois la peau des mains des gens. Je vois les regards fuir, je vois les pieds de près, je vois les lacets, je vois qu'on presse le pas, je vois qu'on ne voit pas. Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur. Je chéris ton cœur, adoré. Dans un coin d'architecture manqué, un méandre de la cité. Allons bon, cachant ta main raison que du temps a passé. Je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Chéris ton cœur, adoré. Contournant un vaste chantier de pluie, de planches, d'acier, suspendu. Songeant au sommeil mathématique des grues, je chéris ton cœur, adoré. La nuit je parle seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles. Je chéris ton cœur, oh adoré. seule pour moi. Devant ton visage, mortel pour moi. Quelle voix avoir, quel mot dire, au bout de temps, car le temps existe. Comment quoi faire, quoi, comment quoi, devant toi. Au coin de cette rue, sous des lilas, je tombe sur toi. Sur nous, je vale, je respire. Comment te dire, et comment te cacher, ça doit se voir, tu dois le sentir. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.